entendu l'autre fois. Bruxelles nous appartient, son avenir est entre nos mains. Car bien sûr, il nous appartient d'en faire de belles cités ou de sales quartiers. De belles cités ou de sales quartiers. De belles cités ou de sales quartiers. De belles cités ou de sales quartiers. Bruxelles rime avec Tour de Babel. Suffit d'aller au marché du midi pour se rendre compte de toutes les langues de tout pays. Je préfère les boules de l'atomium à celles du mannequin Peace. Elles sont plus représentatrices du grand Bruxelles. Ma belle, sont deux mots qui vont très bien ensemble. Yeah, yeah, yeah. Bruxelles nous appartient, son avenir est entre nos mains. Car bien sûr, il nous appartient faire ce que son avenir sera demain. Merci à tous et bonne soirée. Merci à Paul et à Anne de Bruxelles 2000. Bonjour, goedemiddag, Nat. Welkom bij Brussel behoort ons toe. Bruxelles nous appartient, vous souhaite le bienvenu. Ben maintenant, nous allons écouter la deuxième partie d'une longue conversation avec une couple de echte bruxellaires. Ils ont vécu presque toute leur vie à Molenbeek, mais ils habitent maintenant depuis 2-3 ans à Anderlecht. We zullen nu naar het tweede deel van een heel lang gesprek luisteren van vrij Brusselaars, echte Brusselaars. Heel hun leven brachten ze door in Molenbeek, maar ze wonen nu al 3 jaar in Anderlecht. A tout à l'heure, bonne écoute, veel luisterplezier. Ja, de café is te goed. Ah, j'ai mis la café en route. Lui, il a un nom, donc lui, il s'appelle François. Et disons qu'en bruxellois, ils disent Soi. Ou Souche. Oui. Mais moi, je m'appelle Catherine. Mais mon diminutif, c'est Catherine Nette. Nette. Néné. Ils vont m'appeler Néné. Non, moi, je dis Netche. Netche, oui. Je l'ai toujours. Ça, c'est en bruxellois, Netche. C'est un mot gentil, Netche. Mais comme... Ben oui. C'est dans tous les... Mon chouette. Oui, t'en profites, hein. Quoi? Si je dois avoir une cigarette comme ça, lui, il peut aussi en fumer. Et entre vous, vous parlez bruxellois, tous les deux? Ah oui, ah oui. Ah oui, on ne parle pas en français. Il n'y a que, comme tantôt les gosses viennent, hein. Alors, il y a... Quoi? Elle est presque tombée. Tantôt les gosses viennent, alors c'est français qu'on parle. Enfin, oui, hein, notre français, hein. Parce qu'eux, ils ne parlent pas en bruxellois. Ils nous comprennent, hein. On peut leur parler en bruxellois, comme la plus grande, ça c'est la plus grande des deux là, hein. Et là c'est avec la plus petite. Mais, ah oui, j'étais pas là, on hein. peut leur parler en bruxellois, ils vont nous répondre, hein, mais en français. Mais ils ont compris ce qu'on a dit. Comme ici, mes deux filles, ils parlent aussi le bruxellois, mais quand on est tous ensemble, on parle pas le bruxellois. Parce qu'ils sont habitués à parler en français. Mais dans, ils travaillent tous les quatre chez Deleuze, mes deux filles et mes deux beaux-fils. Mais mon plus âgé des beaux-fils, lui, difficilement le bruxellois, mais les trois autres, ils parlent le bruxellois. Comme il y a des clients qui parlent en bruxellois aussi, hein. ma plus jeune de fille est à Oudergem. Mais il y a des gens qui parlent aussi en bruxellois encore là, hein. Elle sait les répondre en bruxellois, comme elle sait le parler. Ou dans le magasin où elle travaille. Mon beau-fils le plus âgé, lui, la plus difficile, hein, parce que lui, c'est vient, une pièce de Wallon. Il vient de Wallon. Enfin, oui. Non, son père est d'Écossin. Et sa mère, c'est une luxembourgeoise. Sa mère est d'Écossin. Mais il parle en français, hein. Oh, oui, ben, j'ai une autre... Alors, ça va se perdre, Ah oui. Bon, je crois hein, que ça va. Je crois, oui, moi aussi. Mais là, il y a beaucoup de déco flamand. Mais le beau flamand, c'est pas encore la même chose. Bon. Il faut nous apprendre, alors. Ah oui. Les gens qui vont écouter ici de Bruxelles nous appartiennent. Ce sera bien qu'ils apprennent les choses. Oui, ben. C'est pour ça qu'il faut. Il faut être toujours dedans ou quoi. Mais mon beau-frère, hein, ils ont une fois donné, mais je ne sais plus si c'était sur une émission de radio ou quoi, parce qu'il a fait le concours avec, comme nous on dit, hein. Il a donné, donc, il a fait une lettre. Donc, je ne sais plus sur quel sujet il devait faire la lettre. Mais il a fait la lettre en bruxellois, en écrivant en bruxellois, hein. Parce que, disons, quand on va devoir faire une lettre en flamand, on va l'écrire en beau flamand, en néerlandais. Mais lui, il a écrit comme ça s'écrit en bruxellois. Parce que c'était ce qu'on demandait à faire une lettre. Mais alors, il était parmi les lauréats. Mais c'est une école, une école qui a gagné... Il n'a rien eu de ça. Comme quand sa mère est morte, c'est aussi bruxelloise. Hein? Et alors, ton beau-frère, alors, mon beau-frère, il devait faire une lettre pour, comme s'il parlait à sa belle-mère. Il ne devait pas faire une lettre. Non, c'est lui qui a fait une lettre donc au crématorium et il a lu une lettre en parlant de ma mère. Que ça a toujours été une brave femme, sa belle-mère, et qu'il a été bien reçu dans la famille, ainsi de suite. Ça, il a... Ce qu'elle disait alors, « Malin, Meneke, comme tu as dans ce monde, allez, mon petit, il ne faut pas te tracasser pour ça. Hein. » Mais en bruxellois, « Malin, Meneke, comme tu as dans ce monde, ça, c'est le bruxellois. Hein. » Mais nous autres, on comprenait bien, hein, les gens qui étaient là, c'était tout de Bruxelles. Et moi, je dois pourtant encore avoir des livres dans la cave, hein. Oui, parce que où je travaillais, tout le livre venait aussi là, hein, et il y avait un dictionnaire. Et mon beau-fils, il a un livre de Molenbeek. Eh bien, oui. C'est pas le dictionnaire encore, mais le dictionnaire, et sa mère demandait, les mots qui étaient là-dedans, moi je savais directement le traduire et lui dire en bruxellois tout ce qu'il y avait dedans. Hein. On est tellement habitué. Mais depuis que je suis gamin, j'ai connu la guerre. La guerre, ça vraiment a commencé en 40, ici. Hein. Eh bien, j'avais 8 ans à ce moment. Et. J'ai grandi avec elle, j'ai vu les Allemands qui arrêtaient le tram, qui prenaient des gens et tout ça. J'ai vu tout ça, hein. Moi je connais tout ça, hein. Les Allemands, les camps, comme Buchenwald, non, ici en Belgique, sur la rue d'Anvers, c'était un camp, hein, où les Allemands mettaient les... Un camp de concentration. Mais il n'y avait personne qui savait ça. Hein. Ça c'est une culture comme ça, Breno. Eh bien, après on a su ça. Hein. Mais sur la rue d'Anvers. Près de Boom. Boom. Vous prenez du lait? Tu prends du lait? Et du sucre? Tout petit peu. Ben, c'est bien. Je vais le mettre. Mais ben là, le tu et le vous, je le comprends plus ou moins. Mais dans le temps, mes grands chefs, quoi, hein, c'est toujours mon travail et tout le monde m'aimait aussi. Hein. Et je parlais avec le grand chef. Oui, tu vois, monsieur. Et, mais un chef, il faut le vous voyez. Hein, et maintenant, je comprends plus au. Déjà plus, beaucoup plus au moins que. Ben, moi, je ne connaissais pas ça, hein, tout ça. J'ai fait beaucoup. Comme lire en français ou en flamand, ça. Je vais lire une dernière heure le soir ou n'importe quoi. Comme je vais lire l'Asselis, une dernière heure. Ben, comme pour le sport, j'ai des livres de Dimers. J'aime bien le cyclisme. Je connais bien. Tu vois, pour moi, le plus fort qui existait, c'est pas parce que c'est un Belge, hein. C'est Eddy Merckx. C'était le plus fort pour moi qui a jamais existé. Ben, je connais, même dans le temps, le premier coureur qui gagnait un Tour de France, Maurice Garin. Il avait une veste blanche. Comme, je vais tout vous expliquer de ça. Tu vois comment la course. Et je suis encore qui paye un livre. Tu faisais du vélo dans Bruxelles? Pardon? Dans Bruxelles. Oui. Oui, j'ai toujours eu un vélo. Toujours. Comme des kermesses. J'allais à mon travail ou n'importe quoi, toujours en vélo. Mais non, c'est difficile à rouler. Hein. Ça devait être génial, non? Ça devait être une belle sensation d'aller dans Bruxelles en vélo. Tout ce qu'on faisait, on était une dizaine ou 20 copains, on prenait un vélo, on avait quelque part. Même à la mer, la Côte d'Azur, mais là, pas la Côte d'Azur, je saurais, hein, j'aurais su le faire. Mais à la mer, on avait un vélo, n'importe quoi, ou toujours. Mais alors c'était pas sur l'autoroute, hein, ça n'existait pas, hein, c'était vraiment, tu passais dans tous les petits villages, tout comme Bruges et ainsi de suite, quand tu passais dans les villages pour arriver à la côte, à la mer ici, à la mer du Nord. Ouais, c'était bien. Comme quand il faisait des courses, c'était des petites courses de village, comme on dit, hein, il en a fait à Molenbeek aussi des courses, mais c'était dans des... Quand il faisait les braderies, qu'il faisait des courses de vélo. J'ai pas mis de sucre. Faut du sucre, de l'air. Parce que c'est pas. Tu veux un petit. Ben, tu veux pas de sucre, quoi. Ouais, c'est... Mais casse-le, hein. Je vais prendre un canard. Est-ce que c'est un canard? Un canard, oui. Oui. On se dit aussi ici. Oui. Bon. Ouais. C'est quoi? Si on. L'autre jour, vous m'avez appris plein de mots de bruxellois, je les ai déjà oubliés. Il y avait des beaux mots. Ben oui, c'est ça que moi je vais vous dire. C'est ça pour me dépasser les autres. Je sais pas, hein, tu peux me demander de tout, hein, ce qui te passe dans la tête. Ouais, vous parlez en français, quelque chose, ou votre. Une casserole, un cassule. Ça, c'est le bruxellois, cassule. Ça, c'est la casserole. Il faut me dire, mais une bouilloire. Une bouilloire. Une bouilloire en bruxellois de mur. Mur. Mur. Tu sais, une bouilloire. Une bouilloire. Une louche. Oui, ça c'est un terme maintenant. Une louche. Ouais, pour prendre la soupe ou quoi. Eh bien, jij bent een keer de polijper. Geef me een keer de polijper. Doe me even la louche. Eh bien, je wil weer hier. Van Parijs of wat hier. Jij bent een keer de polijper. La cafetière. On dit een cafépot. Ja, cafépot. Cafépot. La dame là, qui invitait à prendre la soupe, c'est ce qu'elle disait, non? Viens prendre une louche. Non, non, non, Nous autres, on parle comme ça. Non, elle nous appelait, allez, elle appelait ma mère, elle disait, ma mère s'appelait Mariette. Mariette, comme il y a une cassule, soupe, fia. J'ai une casserole de soupe pour toi. Cassule, soupe, fia. Tu prenais ta loge, le poêle, et tu prenais ta soupe. Comment j'aime bien la soupe, il faut du poivre dedans. Mon pépérine. Oui. Pépérine zout. Oui, mais pépérine zout, ça le Flandrien, celui qui parle le beau flamand le comprend. Pépérine zout. Pépérine zout. Ça reste. Comme. Élusine que. Pour vous, c'est le bruxellois ou parce qu'on dit... Oui, Zineke. Parce qu'on connaît. Zineke, c'est parce qu'on dit qu'on ne connaît pas très bien le français et pas très bien le flamand. On est Zineke van Brusselin. We zijn de Zinekes. Comme un chien. Il y a des gens qui ont un chien, mais c'est un chien qui est fait de deux races différentes. C'est un zinneke. On est. Wat is een zinneke? Of een bastoet. Ja. Een bastoet, c'est un bâtard. Oui. Il faut pas du lait. Ah oui, j'ai oublié le lait. Mais il y a oui, mais tu vois, mon melk. Ça on dit en flamand aussi, hein, melk. Ja. C'est pas dit en. On dit melk comme. Attends, qu'est-ce que moi je disais? Du lait, c'est quoi? Leche. Ça c'est espagnol, hein. Italien. Non, latte. Ah. Ça c'est en italien. Oui. Si je dirais maintenant du leche, ma fille me te dirait non, mamie. C'est du comme tu dis, du latte. Latte. Voilà. Le grand toi, c'est encore autre chose. Je connais aussi. Hein. Des mais trucs comme pas pareil comme eux. Hein. T'as ça, posture. En français, c'est des bibelots. Eh bien, en bruxellois, dans une posture. Wow. C'est bien les choses chinoises, non? Oui, oui. Le chinois et le... Et les photos de la famille. Yeah, oui, sure. Ça c'est ma plus âgée des filles. Avec le wallon. Et ça c'est ma plus jeune des filles. Et ça c'est la plus âgée de mes deux petites filles, donc celle qui est là. Elles sont belles. Ça... Non, ils vont venir. Ouais. Je sais pas que. Qu'est-ce que. Dans les cafés, quand vous voyez les amis, quand vous parlez de. Eh bien, oui, on va. Comme maintenant. Comment il s'appelle? Hein, Gérard. Gérard. Mais on l'appelle jamais, hein, par son prénom, hein. On va, dis moustache, c'est moustache. Parce que là, dans le temps, les gens, ils avaient tous un surnom, hein. C'était pas beau. Un boiteux. C'est vrai que c'est pas beau, c'est méchant. Ou quelqu'un qui était. De bon, crume, le crume. Qui avait comme ça, hein, tu sais, avec ses hanches ou quoi, de crume. Oui. Mais ce genre-là, il faisait pas attention à ça, hein, ils étaient habitués, comme ne manquer. De comme crume. Moi, j'ai eu du strabisme. Moi, j'étais un rouquin. Oui. Mais vraiment un rouquin. Eh bien, quand je. Vosse-soi. Vosse-soi. Et il y avait soit piqué. Vosse-soi. Vos, ça veut dire roux, hein? Comme. Il y avait beaucoup. Des surnoms. Mais parce qu'il y avait comme moi, François, hein, mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup, hein, de François. Tu prenais le nom de ton parrain, tout ça. Mais non, c'est Jean-Claude, ça, des autres noms, hein. Mais dans ce temps-là, mais comme il y avait 5, 6, 7 François. On prenait le nom de celui qui était ta marraine ou ton parrain. Comme oui, son parrain, c'était François. Mais ma grand-mère, c'était ma marraine, c'était Catherine, je m'appelle Catherine. Mais on a toujours, enfin, souvent, comme moi, c'est Catherine, et mon deuxième nom, c'est Henriette. Parce que mon parrain, donc mon grand-père paternel, c'était Henri. Donc je m'appelle Catherine Henriette. Comme ça. Enfin, ça c'était un peu partout, je crois, je sais pas. Mais de ce nom, ça, on devait le faire autrement ensemble. On l'appelait Swa. Il y en avait 6-7 qui se retrouvaient. Comme. Mais, tu sais, ils allaient dire soit Piquette, soit Cashwell. Comme un cadenas. Comme un cadenas. Un cadenas. Hein? En beau flamand, ça se dit un hangslot. Un cadenas. Mais en bruxellois, on dit un carnat. Carnat. C'est. Donne-moi une bis. Eh bien, j'aime le schmack en bruxellois. Un hollandais va dire un trotse. Of een zoeteke. Ja, ça c'est le grand ouais, tout ça. Mais pour bruxellois. Il y a beaucoup. Et le mot doux. Le mot gentil. Mais c'est rare que j'ai un soir. Ça, c'est pas moi, bah, je vous ai vu tout à l'heure. Je sais pas. Tous les deux, là. Chou. Chou. En bruxellois, on dit chouque. Comme chouque. Ça, c'est. Comme tu dirais, c'est en français, c'est chou. C'est rare, hein, comme des mots comme ça, hein. Tiens, on m'a demandé ce matin votre nom. Priscilla. Priscilla. Oui. Priscilla. Priscilla. Priscilla. Sans le A, avec un E. Priscilla. Priscilla. Priscilla. Ouais. Pourquoi? Mais... Bon, c'est la maman va venir. Vous êtes sortie hier. J'ai une amie. Hier, la Toussaint. Attends, hier, qu'est-ce que j'ai avant fait hier? Dans non. La journée ou... Hier. Non, c'est parce que quand tu es arrivé mercredi, hein, avec moustache, il y avait une petite vieille qui est toujours avec nous. Et elle a cru te voir chez sa... Elle a dit chez sa petite fille, hein. Elle dit comment elle s'appelle. Je dis, eh bien, ne me le demande pas parce que je ne sais pas son nom. Elle dit, moi je trouve qu'elle ressemblait à la fille que j'ai vue samedi, qui vient aujourd'hui chez toi. Je dis, je ne sais pas. Bon, non. Hier. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, c'était hier. Hier. Elle a été chez sa fille, hein, manger des crêpes. Ouais. Ouais, hier, ça t'a quoi? La Toussaint. Hier, je restais chez moi. Et vous habitez là où Casser avait l'usine, quoi. Donc, les appartements, c'est. Tout en béton. Tout en béton. Ah, ouais, ça. Comme, ben, c'est ce que je lui ai expliqué. C'est comme on voit souvent maintenant dans les films américains. Qu'ils habitent au-dessus des garages ou dans des... C'est comme ça maintenant. Ça coûte moins cher. Ah ouais. Ouais. Parce mais... qu'on peut faire, par exemple, un mur, il reste comme ça, l'électricité on le met sur. On peut pas... Moi j'ai été voir des pièces de théâtre là, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus de théâtre à Bruxelles aussi, hein, que maintenant, il n'y en a plus. Plus là. Il y avait le Folie Bergère, il y avait beaucoup de théâtre. Et moi, j'allais là toujours avec ma tante. Et ici, Simone Max, elle parle le français, mais c'est aussi une bruxelloise. Et c'était la bonne femme, des cheveux courts noirs et deux guiches comme ça. Sur ce, hein. Et ça, c'est d'elle, avec une... Enfin, il faut le mettre pour l'écouter. Et ça s'appelle La queue de billard. La queue de billard. Et c'est bien fait parce que ils sont à deux. L'une parle de son mari qui a été voir un médecin pour son sexe. Et l'autre, elle parle d'une queue de billard. Mais alors, comme il parle, celle qui parle de la queue de billard dit qu'elle mesure autant, et l'autre dit, hein, parce qu'elle voit le sexe de son mari. Allez, il faut l'écouter, à vos caisses. Et c'est au début de la cassette. Et ça s'appelle la queue de billard. Mais ce sont deux ils parlent en français, hein, mais tu entends quand même que, surtout Simone Max, hein, le... Ouais, c'est des français comme un bruxellois, par exemple. Est-ce qu'il y a une musique bruxelloise? Il y a du théâtre bruxellois, ça c'est ça, mais est-ce qu'il y a de la musique bruxelloise? Non, il n'y a pas beaucoup de musique, hein, c'est plutôt de... Vous savez, je vous dis dans le temps, comme nous de Molenbeek, la chanson était... Voilà zijn, van Meulebeek, van Meulebeek. Voilà zijn, van Meulebeek, van Meulebeek. Voilà zijn, van Meulebeek, van de Marolle giver wijd. En dan treedt de pekennis Meulebeek eens doen. Toen de chanson bruxelles was. Des chansons de rue, comme ça, les gens y chantaient, hein. Comme le Molenbeek, ici c'est le truc pour le football, c'est l'Anderlecht. Hein. À Molenbeek, c'est le D-Rink. Le D-Rink. L'équipe de Molenbeek, c'est D-Rink. Samedi, ils vont jouer, le D-Rink contre l'Anderlecht. Demain, oui. Eh bien, nous c'était D-Rink, mok nog een goalke, Union. Des hommes à Olleke, ça c'était quand ils jouaient contre l'Union, donc Saint-Gilles, ça c'était l'Union Saint-Gilloise. Et alors les gens avaient des chansons là-dessus, hein, qui chantaient. Hein. Mais alors ils ne se battaient pas, hein. Non, c'était toujours une bonne entente dans tout le... Maintenant, et tout ça, que quand... le mec devait descendre ou quoi. Quand maintenant... Le mec allait à Marolle, hein. Quand maintenant il y a un match de football, demain, ils vont savoir ou pas si c'est un match à risque. Hein. Mais alors c'est plein de gendarmes ici, hein, de camions et de gendarmes avec la pompe, les gendarmes avec les chevaux et tout. Parce que c'est un match à risque, ils disent. Mais demain, c'est pas un match à risque. Mais disons que dans le temps, hein, c'était toujours les deux meilleures équipes, c'était le D-Rink avec l'Anderlecht. Ou le D-Rink avec l'Union Saint-Gilloise. Mais c'était une bonne entente sur le terrain, les gens s'entendaient, tout ça, mais maintenant c'est plus la même chose. Maintenant tout ça est pour ça. Hein. Dans le temps, un sportif qui faisait un sport, c'était pour son plaisir qu'il jouait, mais maintenant il faut qu'il y ait de l'argent. Une hein. Paire de chaussures de football ou ouais, quoi, c'est ce que nous on dit. Hein. Oui, ben, c'était comme ça. J'ai encore connu, mais jouer au D-Rink, Zwartebroek. Comme maintenant, tu habites longtemps ici déjà maintenant? 8 ans. 8 ans déjà? C'est passé vite. Mais alors, je ne t'ai jamais vu à Molenbeek. Ah non, Molenbeek. Molenbeek, oui. Molenbeek, 4 mois, avant j'étais à Saint-Jos. Ah, avant j'étais place Saint-Jos. 4 mois. Donc, au mois de juillet, tu es venu ici. Parce que maintenant, oui. Le 15 août, tu l'as vu, il y a eu marché, hein, sur Cédegand. Mm-hmm. C'est le marché annuel. Comme ici, Anderlecht, c'est le deuxième mardi du mois de septembre, c'est le marché annuel à Anderlecht. comme il y a Dilbeek et partout dans les communes de au mois de décembre, ici à la place du Conseil, il y a le marché de Noël. Mais le marché annuel, ça a toujours existé. Hein. Mais alors, là, un marché annuel, hein, tu rencontrais des gens que tu n'avais plus, que tu avais perdu de vue, quoi. Et sur le marché, tu les rencontrais. Tu vois? Mais maintenant, tout ça, c'est fini aussi. Il y a toujours le marché, mais franchement. Mais dans ton métier, tu as beaucoup de contacts, non? Contacts, la rencontre. Moi, j'ai l'impression que vous aimez bien le contact. Oui, oui. Ah ouais, les autres, toujours. Oui, toujours été. Toujours, désolé. On est venu ici, on connaissait quelques personnes. Mais... Ici, non. Mais là, oh. Mais non, ici on connaissait personne quand on est venu, hein. Ma sœur habite ici, notre fille habite ici, mais sinon on connaissait pas des gens. Mais on est allé au Westland, on a rencontré un couple là, que moi j'ai connu quand j'avais 15 ans, quand j'allais danser. Moi j'aimerais bien que tu me racontes ça, quand vous alliez danser. Ben, ouf. Ouais, on allait où? Un peu partout, ouais. Hein. Ben, parce que, moi j'avais un petit bistrot derrière le coin où nous on habitait. Hein. Mais c'était des jeunes, je vais dire, de 14, 15, 16 ans. Ça c'était, et alors on dansait le slow comme on dansait un boogie sur les chansons de ce temps-là. Hein. Puis on allait une fois jusqu'à la rue Haute parce que là il y avait aussi des bistrots hein, où il y avait les jeunes qui dansaient. C'était comme ça que nous on faisait ça. Et alors moi à 11h je devais être rentrée, hein, mais j'étais rue Haute. Oui, la dernière danse je devais la voir. Hein. Mais l'heure avançait. Et alors je regardais l'heure, oui. J'avais ma copine avec qui je sortais. Hein. Mais alors quand on voulait rentrer, il fallait encore attendre le tram. Alors on ne prenait pas le tram. Mais on avait des hauts talons comme ça. Hein. Et alors on avait nos hauts talons. Hein. Et pieds nus, on rentrait comme ça à la maison en courant de la rue Haute jusqu'à la rue Ransfort, la chaussée des Gants. Hein. Mais on a eu beaucoup de plaisir dans notre temps. Que maintenant, les jeunes n'ont plus ce plaisir. Et les jeunes, ils doivent sortir à quelle heure ça commence dans les dancing. Tard, hein, minuit. Tandis que nous autres, à 6 heures, on savait déjà aller danser. On a eu une plus belle vie que les jeunes de maintenant. Et puis en ça aussi, hein, parce que on allait au bistrot, nous on prenait un coca, 5 francs pour un coca, pour un verre de coca. Un verre de bière, c'était aussi 5 francs. Mais maintenant, quand vous allez dans une discothèque, qu'est-ce que vous payez? 60, 80, 60, le reste, 120. Et le reste, c'est beaucoup plus cher. Hein, 120. Et c'est ça qui... Que les jeunes doivent avoir de l'argent pour... Mais les parents, ça n'a pas donné ça. Oui, mais... Alors, ils vont voler, attaquer des gens. Oui, mais faut... La saloperie qui existe. Et les drogues. Mais ça, c'est... Parce que moi, quand je travaillais à la clinique, hein, il y avait beaucoup de personnes marocaines, hein, des Marocains qui venaient... des gens qui étaient mariés, enfin, mais ils sont pas méchants, hein. Mais c'est dans les jeunes que c'est le plus dangereux. Mais dans des gens de, je vais dire, de belles gens aussi, hein. Dans la cinquantaine comme ça, au moins 40, 45 ans, des gens qui sont mariés, ils sont agréables. Parce que maintenant c'est le Ramadan. Eh bien, à la fin du Ramadan, hein, ils arrivaient Ah, tenez, madame Catherine, c'est pour vous autres, pour les infirmières et moi et les médecins. Et ils avaient fait des petits biscuits à leur truc là. Eh bien, ils venaient nous apporter ça. Moi, un jour on a été pour être invité au Maroc chez des gens qui habitaient ici, rue d'Ostende à Molenbeek, mais qui ont une maison au Maroc. Et ils nous invitaient à aller avec, mais on ne sait plus voyager nous autres. Hein. Mais où ils sont. Un jour j'ai dû aller chez une Marocaine et c'était rue Evert. Et elle venait avec son gosse pour les piqûres. Et elle part et l'infirmière lui dit, vous revenez dans 2 jours, quelque chose comme ça. Quand la personne est partie, moi elle dit, je me suis trompée, elle doit revenir demain. J'ai dit, ben, t'as quand même, t'as pas son adresse. Oui, elle dit, rue Evert, numéro 1 tel. J'ai bien, je vais aller jusque là. Hein, je me suis tapé la rue Evert. C'est où il y a l'abattoir, hein, la rue juste en face de l'abattoir. J'arrive là, je monte une maison délabrée parce que c'était dégueulasse, je vais dire, comme ça, il loue ça à des gens. Hein. Et je suis rentrée là, et il y avait un tout grand tapis par terre. Et maintenant, cette personne, elle ne connaissait pas encore très bien le français, et elle me disait toujours, à glisse, à glisse. Et moi, je dis, non, je ne glisse pas. Hein, à glisse, à glisse. Je dis, mais je ne glisse pas. Moi, je croyais qu'elle voulait dire que je glisse sur le tapis. Hein. Alors, elle a pris la chaise, à glisse, ça veut dire en arabe, assieds-toi. Et moi, je croyais qu'elle voulait dire que je glisse. Eh bien, et elle avait une casserole sur le feu, et ça sentait bon. Je dis, ça sent bon, hein. C'est pas encore fini, sinon elle m'aurait donné à manger. Ils sont pas contraires. Non, moi j'aime bien pour ce travail. Mais c'est dans les tout jeunes. Hein. Et la chanson tout à l'heure que vous avez chantée, ça voulait dire quoi? De quoi? La chanson que vous avez chantée tous les deux. De Molenbeek. Nous sommes de Molenbeek. Ouais, les âmes van Molenbeek. Nous on est de Molenbeek. Et van de Marolle, qui vervait. Et qu'on n'a pas peur des gens de la Marolle. Ça, c'est la Marolle. Hein. Et qu'on n'a pas peur des gens de la Marolle. C'était pas pic à pic, mais. Non. Je connais parce que dans le temps. Mais pas de notre temps déjà, mais encore avant des grands-parents. Là, c'était la Marolle. Parce que la rue Haute, c'est pas la Marolle, hein? Non. C'est pas encore la Marolle. La Marolle, c'est juste derrière le palais de justice, la rue des Minimes. Là, c'est déjà la Marolle, et puis la rue Montserrat. Ça, c'est la Marolle, mais pas la rue Haute. Alors, c'était des bandes, hein, de jeunes. C'est des bandes de jeunes. Donc, les gens, les enfants, je vais dire, de la rue Haute, se battaient contre les enfants de la Marolle. Hein? Et c'était comme ça avec des bandes, quoi, hein, qu'on a. Les grandes personnes, hein, il y avait un très fort là-bas. Un très fort ici, alors ils sont là se battre. Hein. Mais se battre comme ça, hein, pas avec des couteaux et tout ça comme maintenant. Hein. Et c'était fini. Hein. Ouais. Non, c'était se battre avec les poings. T'as eu des coups, hein. Et toi aussi, hein, on a vu un vampire vert, ils étaient dans la café, c'était des amis, tout nouveau. Ça, c'était. Ma grande. Il y avait 5 rues. Il n'y avait que 5 rues pour les Marolles. Oui. Les Marolles, c'était que 5 rues. Rue des Minimes. Oui, 5 rues. Rue des Minimes, rue Montserrat, rue Saint-Guilain, rue des Prêtres. Rue de la Violette. Non. Ouais. La 5e, je ne sais plus. Il y a 5 rues là-bas. Oui, 4 ou 5 ça, rues. Qui est que la Marolle, hein? Presque plus, ça, hein, c'est la Marolle. Personne pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit les Marolles, c'est tout le coin autour du jeu de balle. Oui, eh bien, oui, mais c'est pas vrai. Non, ça. Parce que le jeu de balle, la rue. C'est un autre quartier. Rue Haute, rue. Allez, je viens. Yeah. Le Montserrat. Mais non, la rue, l'autre rue où j'ai dit, là où il y avait tous les tapissiers. Ça, c'est pas les Marolles. La Marolles commence qu'après la rue Haute, donc la rue des Minimes, puis la rue Montserrat, rue Prêtre, rue Saint-Guilain, rue Saint-Guilain. Ça, c'est les Marolles. C'était des rues comme Rastonnet, tout ça. Il y avait un café, les lumières. Ils en ont parlé. Dans le temps, encore, nous autres, nous n'en avons plus. On vendait même de l'eau chaude. On le vendait de l'eau chaude. Ils ont... Parce que tout le monde n'en fait pas. Ou tu devais allumer ton poêle pour avoir. Non, mais c'était une femme ou un homme. Ils vendaient 2 litres d'eau chaude. Bouillarde, hein. Tu le savais. Oui, c'est comme le marchand de lait qui passait. Hein? Tu n'avais pas encore du lait en bouteille. Hein? Tu avais de Melbourg, comme on dit. Hein? Le laitier qui passait. Et c'était des grandes cruches de lait. Et tu allais avec ton poêlon et tu demandais 2 litres de lait ou 1 litre de lait, ça t'a à voir. Hein? Je dis que Miapane. Miapane. Eh bien, le. À Croix. Lèpre. À Croix. Ou à Croix. On t'a fait ça là-dedans, ce que tu demandais, 1 litre, 2 litres. Ils ont parlé, je crois pas la semaine passée, la semaine d'avant. Ils vont faire un pont, un brûle, au palais de justice. Comment je vais t'expliquer, t'as déjà été au palais de justice. Donc tu te trouves devant, avec ta figure devant le palais de justice. Ici tu as, quand tu vas voir, tu vois la rue Haute dans le bas. T'as pas vu à la TV. Et ils vont faire un pont, mais c'est un pont, si je comprends bien, qui va te prendre et qui va directement te descendre à la rue, à la rue des Minimes. Parce que maintenant, pour aller dans la rue des Minimes, il faut descendre des rues là, pour être rue des Minimes. Hein. Ou bien tu descends par la rue de la Régence. Et tu prends là à la chapelle pour arriver à les rues Aude et ainsi de suite. Et ici, c'est un pont qui, comme un ascenseur qui va te descendre. Donc, du palais de justice, ils vont te descendre directement jusqu'à la rue des Minimes. Donc là, tu as directement, tu arrives plus vite à la rue Aude. Ils en ont parlé ici derrière. Commandé. Il y a 15 jours. À la place de la chapelle. La chapelle, hein, tout ça. On n'a qu'à pas la mettre en Bruxelles. Où est-ce dans on n'a qu'à pas la mettre, on en a. On s'en va où c'était. Tu vois, parce que la rue Haute, elle est en 2 morceaux, hein. Tu sais ça. La rue Haute commence, je vais dire, à la Portale. Et tu prends tout à fait la rue Haute. Et puis ici, tu as l'église de la chapelle. Hein, et tu traverses, c'est un rond-point là, hein, la chapelle. Tu le traverses et il y a encore un petit morceau de la rue qui va jusqu'à la rue Rodebeek, je crois. Oui, ou rue Rollebeek. Rue Rollebeek. Eh bien, ce morceau-là, c'est toujours la rue Haute. Et la rue Rollebeek, c'est quand tu la montes, tu y arrives. Bonjour, le bon. Oui, ah oui, ta mère. Ah, hein? C'est Sablon, oui, au Sablon. Ah ouais. Attends, le petit Sablon et le grand Sablon. Et, mais là, sur ce morceau-là, tu avais. Maintenant, c'est un. Où on joue au bowling, hein. Mais avant, il y avait un café là, il y avait qu'est-ce qu'il y avait, un cinéma. Mais c'était pas mal, vous faisiez des promenades. C'était beaucoup plus beau. On a parlé du vélo à pied aussi. Vous faisiez des promenades. Ouais, mais Oui, mais là, il faut des petits champagnes, mais dans le temps, c'était des ruines. Nous autres, hein, quand on s'est mariés, c'était en 56. Eh bien, et alors, de ce temps-là, comme je dis, tu avais la place Sainte-Catherine, le marché, c'était un beau marché, puis tu avais la rue Sainte-Catherine où il y avait un serment, il y avait le prix bas c'est où il y a maintenant le GB dessus. Hein? Et, eh bien, mais alors tu voyais ça, hein, le samedi, le matin aussi déjà, hein, mais alors l'après-midi, ça, bourré, hein. Et tu voyais tout le monde descendre en ville. Et ils allaient faire, parce que chaussée des grands, il y avait aussi des petits magasins, mais c'était des petits épiciers et tout ça. Il n'y avait pas un grand magasin comme le Prix Bas ou le Serment. Alors tout le monde allait en ville, hein, et ils achetaient au marché Sainte-Catherine, ou ils allaient au Serment ou au Prix Bas, comme tu dirais maintenant, le GB ou le Deleuze. Eh bien, alors c'était le Prix Bas et le Serment. Alors, qu'en faire? Et tu avais le magasin de la Bourse. Tu n'en veux plus? Sinon, je ne dors plus. Pour la limonade. Tu veux un verre de limonade? Non, merci. Je suis très bien. Je suis très contente. Comme il y avait des gens, comme je dis, qui prenaient le tram. Le 35. C'était un tram qui descendait la chaussée des Ninouf, mais qui savait passer par là où toi tu habites, à la Porte de Flandre. Hein? Un peu plus loin qu'à la Porte des Ninouf. Il y avait deux petites maisons de chaque côté. Mais dans le temps, tu savais passer par ces deux petites maisons, c'était ouvert, hein, avec la voiture, et le tram passait aussi là. Alors il y avait beaucoup de gens qui prenaient le tram, le 35, jusqu'au terminus. Et le terminus, c'était chaussée. Le 35, son terminus, c'était... au coin de à la chaussée de Wavre et boulevard du Souverain. Ça, c'était le terminus. Et alors, il y en avait qui reprenaient les trams ou allaient à pied jusqu'aux étangs d'Auderghem. Que j'ai dit là qu'on faisait du canot et tout. On disait là, qui... là-dessus, hein, à ce temps. De Wavre, je prends de leur kinderen. Mais j'étais des enfants perdus. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Des enfants qui jouaient là. Qui se noyaient. Qui tombaient là-bas. C'était de la vase et tout ça, qui se noyaient. Et c'est sur le. Hein. Quand tu continues le boulevard du Souverain pour arriver aux étangs, hein, là il y a cette, l'avenue de Tervuren, oui. Et tu as le musée du tram, là. Eh bien, quand tu arrives de l'avenue de Tervuren, donc tu tournes à droite pour arriver au boulevard du Souverain, et de ce côté-là, tu vois les temps, d'ailleurs, et tout ça. À cause du vieux tram, tu sais. Ah oui, c'était... Les portes ne se fermaient pas, hein. C'était le tram qui était ouvert, hein. Comme le dit. Tu montais sur le tram, disons que où tu montais, c'était ouvert. Mais là où tu étais assis, c'était fermé, hein, de chaque côté. Maintenant, les portes sont tout à fait fermées quand tu prends un tram. Hein. Comme il y avait... Tu montais par l'arrière? Tu savais monter, il y avait plusieurs... Devant parce qu'il y avait le tram où il y avait le truc qui le conduisait. Hein, il y avait l'entrée, puis encore une entrée. Puis la remorque, il y avait encore deux entrées. Et là, il y avait un type qui venait, à la magadine, tout le monde servait. Parce et qu'il y a... Tu lui payais un franc 25 ou quoi, et tu donnais le ticket, hein, que tu avais payé, tu pouvais... Hein. Maintenant, tu as une carte de tram, hein. Mais alors, dans le temps, tu payais sur le tram, et il y avait le receveur, comme on dit. Il y avait le conducteur et il y avait le receveur. Et le receveur, il avait un grand sac comme ça, avec... et alors c'était, je ne sais pas, en fer, et avec toutes des pièces de la monnaie qui existaient de ce temps-là. Et alors tu le payais, enfin, c'était beaucoup plus beau. Un franc de 25 centimes. Et alors, le tram, et 3 pièces à 25 centimes, c'était comme ça, je quatre dedans. Et alors le tram il partait, hein? Et alors c'était, ja, de flèche est af. Ouais, parce qu'alors le tram s'arrêtait, et alors le receveur ou le conducteur, c'était, tu avais les rails du tram, mais au-dessus tu avais le fil aussi, et il y avait un fil qui partait du tram et qui s'accrochait dans le fil sur une roulette, et c'est ça qui te faisait conduire le tram aussi, hein. Et alors parfois ça arrivait que le truc tombe, la flèche tombait en bas, et alors le receveur devait sortir, et ça pendait avec une grande corde, et alors il bougeait ça et il remettait la roulette dans ce fil, et le tram savait repartir. Et oui, il devait tourner maintenant, hein. Il avait un bateau avec un bloc, un bâton dessus, hein, pour pousser. Alors les rails s'ouvraient et ils s'abattaient. Hein. Oui. Et alors il y avait le tram. Alors on disait de boren tram. C'est en bruxellois, de boren tram, le tram des paysans. Parce que ça existe encore, hein. Tu as maintenant le bus de Boerenbus, hein, si tu veux. C'est de laine. Mais alors tu prenais le tram à la chaussée de Ninove, à la porte de Ninove. Mais là, il était tout à fait ouvert, le tram, hein. Et c'était des banquettes en bois, hein. Mais sur les côtés, c'était, oui, il y avait bien quelque chose, une chaîne qui pour que tu... Et alors, ça c'était le Boerentram et qui allait à Dilbeek. Parce qu'à Dilbeek, tu avais les étangs de Dilbeek, où les gens aussi savaient aller en barquette et tout. C'était le bon temps. Oui, et alors tu avais, comme on disait en bruxellois, le chocolatentram. Ouais. Le chocolatentram. Et ça, c'est. Mais c'est parce qu'il était brun. C'était un tram, hein, et il était ligné, une ligne blanche, une ligne brune, une ligne blanche, une ligne brune. Et les gens appelaient ça de chocolatentram. Mais c'était pas un tram que les gens prenaient. C'était un tram pour aller secourir un, hein, qui était en panne, qui ne savait plus partir du tout. Hein, pour les travaux. C'était un tram pour les travaux de la STIP, comme on dit maintenant, de la STIP. Hein. Et c'était le chocolatentram. Il y avait de la musique parfois sur le tram ou pas? Non, non, non, ça pas. Non. Seulement au terminus pour vous attendre. Ouais. Comme, c'est des belles promenades. Là, ouais. où vous habitez, le coin, comme j'ai dit en semaine, qui on dirait la forme d'un bateau, ils n'ont construit là, c'est pas si longtemps, hein, que ça existe, hein, ce coin. Ça a toujours, Comte de Flandre ou... Comte de Flandre, ouais. Où toi tu habites. Ici, t'as Casser et t'as le coin de la chaussée de Gand, allez, du canal et la chaussée de Gand, hein. Eh bien, là, c'était... Il n'y avait rien, hein, comme maison, hein. Celui qui est en aluminium, là. Oui, qui oui. Qui boîte de conserve, oui, une oui, de... Oui, oui. Eh bien, il existe peut-être quoi? 10 ans, peut-être. Oui, oui, peut-être 10 ans. Alors, ce bâtiment, fait, je ne crois même pas. Je ne crois même pas, parce que... On connaît, c'était un garçon... C'était ce coin, hein, il y avait toujours des planches où ils mettaient de la réclame dessus. Parce que je crois que c'était un coin... il y a eu une maison, mais en temps de guerre, ça a été bombardé aussi, hein, et qu'ils n'ont plus retrouvé ces gens. Donc ce terrain, il est resté toujours libre, comme à la porte de Ninove aussi, là. Hein, ça de faire sauter les ponts. Ils essayaient de faire sauter les ponts. Les gens dans la guerre, hein, oui. Ils sont venus ici, mais ils ont directement dû repartir. Hein, ils ont battu trop fort. Ils ont fait sauter les ponts pour que les Anglais, les Allemands ne savaient pas passer. Ça durait un quart d'heure et ils ont fait passer. Et ben, alors ils ont fait des ponts en bois. Oui, c'est un... Donc, quand tu es chez toi, tu continues le long du canal, hein, bon, ça tourne, hein, mais alors, maintenant, c'est un tout grand pont. Mais dans le temps, ce n'était qu'un petit pont, hein, que tu traversais là, hein, en bois, hein. Oh. Oui, une voiture à côté, une voiture à l'autre. Oui, oh, oui, c'était très étroit, là. Et alors, il y avait, de ce temps-là, des gens qui allaient nager dans le canal, hein. Ouais, ça, ouais, ouais. Mais c'était pas comme maintenant, hein. C'était pas pollué comme maintenant, hein. Et de voiture, il y avait presque pas. Non, c'était pas si pollué que maintenant non plus, hein, le canal, hein. Et vous deux, vous avez nagé dans le canal? Moi non, parce que je sais pas nager. Dit was Brussel behoort ons toe. Ook te beluisteren op FM Brussel 106.5. Op zaterdag van 3 tot 4 uur. Bruxelles nous appartient peut aussi s'écouter sur FM Brussel le samedi de 15 à 16 heures ou, bien sûr, mercredi prochain de 15 à 16 heures. N'hésitez pas certainement à rendre visite à notre site web, c'est www.bna-bbot.be où vous pouvez nous appeler pour réagir ou faire une interview ou écouter sur le numéro 02-223-21-51. Bezoek gerust onze website www.bna-bbot.be of bel ons met reacties of als u zelf een interview wil maken op... Eh ben, si j'ai commencé à faire des espèces qu'on pourrait appeler des ciné-tracts à caractère anard, très provocateur, incitant au meurtre, au pillage. Et puis j'en ai fait trois comme ça, et puis j'ai commencé à faire des documentaires qui se voulaient un peu encore dans une certaine lignée contestataire, mais essayant de trouver des modes de vie basés sur l'autonomie, l'autogestion, puisque c'était fort à la mode à l'époque. Et puis j'ai arrêté complètement et j'ai recommencé seulement il y a 6 ans en faisant un film sur des Indiens, enfin avec des Indiens dans des réserves indiennes à la frontière du Canada entre les États-Unis et le Canada. Et voilà, et puis il y avait ce projet de faire un film sur la marche avec un ami marcheur et on s'est retrouvé chez les papous. Ouais, parce que on peut dire ta deuxième passion, c'est le voyage. Mais passion, je sais pas très bien comment on pourrait dire ça. On veut dire que c'est presque une nécessité plutôt vitale, c'est de ne pas faire, de ne pas souscrire totalement à la sédentarité. Donc je crois que parce que en fait, passion, ce serait pas tellement le voyage, ce serait plutôt marcher. Parce que voyager, je crois que j'ai fait ça toujours. Je ne me suis jamais tellement fixé dans un lieu, si ce n'est justement avoir Bruxelles comme port d'attache, y revenir, repartir. Mais bon. Comment est-ce que je pourrais dire ça plus précisément? Je dirais pas que c'est vraiment. Non, je crois que c'est vraiment, oui, une nécessité vitale. C'est ne pas souscrire à cette espèce d'immobilisme, de sécurité qu'est la sédentarité, cette espèce de comment on peut appeler ça, de topographie qui pose d'emblée des limites, d'autant plus que dans nos pays ne sont pas des pays tellement ouverts, quoi. Je veux dire, tout est balisé, tout est contrôlé, il y a peu de place et laisser entre guillemets à l'aventure au sens plein de l'aventure, j'ai envie de dire en cadre naturel, parce que bien sûr qu'il y a une aventure urbaine, il y avait deux Joyeux Drille qui avait écrit au coin de la rue l'aventure, mais moi je crois que l'aventure elle implique aussi une espèce de vraie mise en risque de son identité. Pour pouvoir mettre en risque son identité, il faut être dans des lieux où non seulement nos repères mais nos sécurités ne fonctionnent pas. Donc que ce soit, je ne sais pas, aller se perdre dans un désert, une forêt, ou que ce soit dans une émeute, une période pré-révolutionnaire et tout, mais qu'au moins on mette en cause totalement ce qu'on est. Ce qu'on est imposé d'être, devrais-je dire, parce que ce qu'on est, qu'on redécouvre ce qu'on est, qu'on redécouvre effectivement les éléments essentiels qui font que notre vie est presque, j'ai envie de dire, quelque chose qui relève de la gratuité, c'est-à-dire que bon, Vivre, c'est gratuit. Le monde normalement qui nous entoure est gratuit. Or ici, aujourd'hui, on est plongé dans un univers où non seulement tout est payant, mais où le simple fait d'être nous précipite dans une espèce de mort quotidienne réitérée comme ça, et qu'on accepte bien souvent trop facilement. Et donc ton échappatoire, c'est... Et mon échappatoire, à chacun de trouver ses systèmes, quoi. Mm-hmm. Mon échappatoire, c'est de dire non, que je suis pas d'accord, que je veux pas. Mais je trouve que ça sert trop à rien d'essayer de l'expliquer dans un discours idéologique où je ne crois pas qu'il y a une solution particulière. Ouais. Mais par contre, je crois que chacun, avec les moyens qu'il a, peut non seulement enrayer la merde dans laquelle on est, donc à avoir une action, je dirais presque de sabotage au niveau du quotidien, et d'autre part, se trouver effectivement toute une série de pratiques ou d'attitudes qui lui permettent non seulement de dire non, mais d'expérimenter ce qui naît du non. C'est-à-dire que si on refuse, le travail, l'argent, la ville comme elle est, la ville tout court et tout ça, ça nous conduit progressivement vers d'autres territoires. Et je ne dis pas qu'il faut prendre son petit truc et aller expérimenter une solution. Je crois qu'il y a de multiples... Oui, il y a de multiples voies, chemins qui s'ouvrent à nous et à chacun en fonction du lieu et de la situation où il est. Avec une famille, c'est très dur. Mais ça veut dire quoi déjà une famille ? Non, mais quand on est. Qu'on vit dans. Qu'on n'a pas de sous, qu'on vit avec 4 enfants. Non, mais bon, je veux dire, une famille. Il y a peut-être des choix qui se posent, et c'est vrai que justement, en fonction de. Ouais, ouais. Mais par exemple, tu dis, si on n'a pas d'argent et tout, mais je veux dire, il y a moyen de s'occuper ici, ouais, pour foutre la merde, empêcher. Allez, bousiller toutes les caméras de contrôle. Bousiller tous les systèmes de retrait d'argent, bousiller toute l'organisation des parkings, de la circulation des bagnoles, scotcher toutes les bagnoles, les pneus. Il y a moyen vraiment de s'amuser avec, mais ça coûte rien. Il y a un moyen très simple, tu prends une allumette, tu bouges toutes les serrures de toutes les institutions. Tu vas t'attaquer à tous les huissiers. Je veux dire, t'as rien à foutre, t'as pas de pognon, tu t'emmerdes et les autres t'emmerdent. Eh ben vas-y, let's go. Mm-hmm. Et une activité qui soit à la mesure de ta détresse. Alors c'est sûr que souvent quand on n'a plus d'argent et qu'on est à la rue et tout, on n'a pas le tonus pour justement réagir à ça. Mais c'est tellement simple qu'au lieu de te détruire toi, à te bourrer la gueule, à dormir dans des conditions lamentables, va squatter, occupe, fous dehors, je sais pas moi, le roi de son palais. Non mais je veux dire, il y a suffisamment d'endroits qui sont inoccupés, les jamais là quasi. Donc les églises, occupez les églises, dormez dedans, faites des grands feux avec tout le mobilier pour vous réchauffer. Je veux dire, ça manque pas. Ayez l'inventivité de votre détresse. Mmh. Et il faut pas dire quand t'as une famille c'est quoi d'abord une famille ? Une famille c'est soit des complices, ouais, soit une tribu. Donc ça veut dire, renouer d'autres liens de solidarité, renouer d'autres rapports entre soi, ne pas vivre sur le système du couple mortifère bazardé par cette société comme si c'était l'unique solution viable. Le monde dégorge de d'autres possibilités, d'autres solutions. Pourquoi est-ce qu'on devrait ramper toujours servilement par rapport à des modèles qu'on nous impose ? Donc voilà. Et je crois que ce discours défaitiste qui dit toujours « oui, mais », non. Il y a moyen de s'amuser totalement à foutre la merde sans arrêt. Je le crois sincèrement. Et je suis toujours terriblement déçu, mais frappé de cette espèce de défaitisme et de tristesse que traîne la misère. Je veux dire, en plus, être pauvre, c'est vraiment quelque chose de scandaleux, parce que c'est basé sur une espèce d'acceptation. On n'est ni riche ni pauvre. Donc attaquons, si on a besoin d'argent, attaquons. Mm-hmm. Point. Je veux dire, prenons-le si c'est important. Pourquoi se soumettre, pourquoi accepter les règles ? Si le jeu est vicieux, dites non. Ouais. Je crois ça sincèrement, et je crois qu'il n'y a pas d'autres débats dans des milieux aussi carcéraux que ceux-ci. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as fait déjà comme démarche complètement anarchiste ? Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est le lieu de rappeler, mais par exemple, l'incitation à boucher des serrures, je trouve ça assez passionnant. Je veux dire, j'ai un ami qui lance des tartes à la tête de tous les, ah ouais, les prétendus champions de d'autant la pensée moderne que de notre soumission, et qui nous conforte toujours dans Donc oui, il y a plein de gens, il y a plein de pratiques exemplaires. On va peut-être s'interrompre. Ouais, on va faire une petite pause. Enfin, on va laisser tourner, c'est pas grave. Oui. C'est très bien tout ça, monsieur. Oui. Si vous croyez que Noël Godin s'occupe des pauvres ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas. Oui, mais bon, c'est pas ça. Je connais bien, moi. Oui, oui, non. Il s'occupe de son ego. Bien sûr, mais c'est. Pour s'évanouir en permanence 24 heures sur 24. Hein. Mais si tout le monde s'occupait de son ego, ça changerait. À se demander quand il dort. Non, mais si tout le monde s'occupait de son ego avec autant de passion et autant de faire valoir, eh bien, le monde serait déjà différent, je crois. Parce que c'est pas vraiment un problème de s'occuper de son ego. Mais c'est pas, il s'occupe pas des pauvres. Mais j'ai jamais dit. Mais de toute façon, non, mais je ne crois pas qu'il faut s'occuper des pauvres. Il y a un type qui s'appelait Georges Darien qui a dit c'est une calamité du monde que les pauvres. Faisons la gueule aux riches et aux pauvres en même temps. Oui. C'est le même fléau et c'est la même bassesse. Oui. Je ne suis pas de l'atelier non plus, mais enfin, il y a deux rôles d'hommes. Oui. Ici, bon, c'est pas mal. Il faut prendre la cédère, ça ne lui appartient pas. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Oui, si, tout à fait. Ben oui, je crois que. Allez. Alors, vous allez vous chercher la maison. Il est en vitrine. Oui. Parce que je suis jamais entré ici, mais en vitrine. Voilà, mais en fait j'enchaîne parce que monsieur proposait justement une pratique immédiate de sonner à 8h30 du soir chez un vieil ami et de voir ce que ça donne. Et moi je crois qu'il y a tout, mais une quantité invraisemblable de possibilités qui nous sont offertes et qu'on ne voit pas, quoi, voilà. Moi je me souviens ici, il s'est passé, il y a eu une panne du secteur TV, il y a 10 ans je venais d'arriver, et soudainement plein de gens se sont retrouvés sur la place en pyjama, à 10h du soir la TV était en panne. Eh ben, c'était génial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens parlaient, ouais, c'est tout. Ça. Ouais. Et même pas parlaient, quoi. Ils étaient là, quoi. Soudainement, on les voyait autrement que dans une activité, je dirais, commerciale ou simplement déambulatoire. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà. C'est ce genre de petits court-circuits-là qui soudainement ouvrent sur des territoires dont on ne se souvient plus. Et comme de rendre inopérante la circulation. Tu vois, créer des embouteillages, mais les créer volontairement, ça... Donc c'est... par exemple, j'aimais beaucoup ces activités qui consistaient à libérer les animaux de laboratoire et à les envoyer, chacun à sa manière, en ville, quoi. Ça crée un tout autre climat et ça rend de nouveau très précis l'absence totale de vie animale en milieu urbain, si ce n'est domestique, quoi. Ouais, ben y a les pigeons. Ouais, enfin bon, je veux dire, ils sont presque aussi domestiqués aussi, puisqu'on voit comment ils se déplacent en fonction des zones qu'on leur laisse et tout. Ouais, c'est vrai. Bref. Voilà. Tu peux parler de ton expérience, peut-être? Laquelle? Bah, le voyage, le dernier. Oui. T'as envie? Je n'en sais rien, moi, je... Qu'est-ce que c'est, le dernier? Mais bon... Le dernier voyage, donc on était parti faire un film sur la marche et après 26 jours de marche en Papouasie, dans les hautes terres de la Papouasie, qui est une province indonésienne, nous nous sommes fait prendre en otage par un groupe de Papous liés à l'Organisation pour la Libération de la Papouasie, vu que pour l'instant, depuis à peu près 25 ans, s'est créé tout un mouvement à volonté indépendantiste de la part des Papous par rapport à l'Indonésie, qui s'est annexé la Papouasie d'ailleurs de façon assez... Manu Militari et par référendum démocratique auprès de gens qui ignorent le référendum et la démocratie. Bon ben voilà, et donc j'ai passé 2 mois et demi là-bas et ça n'a pas été facile, on était vraiment des otages et qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai envie de dire que ce qui était presque le plus important, c'était terrible de découvrir que ces Papous, pour pouvoir continuer à vivre, pour survivre par rapport à leur contact justement avec ce qu'on appelle nous la modernité et son extension avec des concepts un peu bidons comme mondialisation, néolibéralisme et tout ça. Mais en fait cette présence permanente de l'Indonésie et la façon dont l'Indonésie essaye de civiliser entre guillemets les Papous, ben, les a amenés à se comporter exactement comme des Indonésiens, donc à prendre comme modèle le modèle de la modernité pour pouvoir simplement survivre. Que s'ils ne font pas ça, ils sont appelés à disparaître, mais alors physiquement quand on les tuera, et ils ne seront plus là. Donc d'accepter quelque part leur acculturation, leur transformation, leur disparition en tant que groupe ethnique très très particulier, et c'est peut-être pas un mal, quoi. Je veux dire, ces choses-là vont évoluer. Comment ça se fait? C'est ça qui est dramatique. Ça se fait effectivement dans un jeu de pouvoir et d'occupation de sol. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée. Oui. Au revoir. Et sans aucune reconnaissance des potentialités de ce qu'on pourrait appeler un métissage pourrait apporter. En fait, je trouve que la grande faillite de notre modèle, entre autres, c'est que c'est un modèle qui n'autorise pas le métissage, qui refuse le métissage et qui, au contraire, crée systématiquement des définitions identitaires qui sont comme des ghettos. Que ce soit des démarches anthropologiques ou ethnologiques, que ce soit les démarches économiques ou sociales ou politiques, elles visent à situer les individus dans des groupes très très définis et qui deviennent à peu près comme des prisons. Et à la périphérie de ces groupes, on autorise vaguement, mais excessivement vaguement, des métissages. Et dans le cas de rencontres ou de confrontations, quand il y a vraiment mise en risque de notre identité, c'est sûr que les papous sont appelés à changer au contact, mais d'autres papous déjà. Et donc d'autres venus d'ailleurs, sûrement, qui vont changer. Mais la notion de changement, là, est terrible, quoi, parce que c'est un changement au sens où c'est presque comme si c'était phagocyté, quoi. Tu as une cellule qui vient, qui absorbe, et puis qui va redéfinir à l'intérieur d'elle-même à peu près comment sont les éléments qu'elle vient d'absorber. Et ça, c'est c'est monstrueux. Donc, autant je peux dire que ça ne me plaît pas du tout de voir les papous devenir nationalistes, militaristes. Parce que tu avais été aussi il y a 7 ans. 6 ans, ouais, auparavant. Et là, en fait, on y avait été, et nous, on avait été fascinés plutôt par une espèce de terre de liberté, d'utopie. On pouvait aller à poil, marcher comme on voulait, personne ne nous contrôlait, on ne nous demandait rien, si ce n'est l'armée et la police indonésienne. Et donc on n'avait pas vu, et on pourrait presque dire refuser de voir, parce qu'on était tellement branché sur cette notion de autre monde, un peu plongé dans le mythe du bon sauvage, qu'on n'a pas vu du tout les problèmes dans lesquels ils se débattaient, qui devaient être déjà présents. Enfin, on les a côtoyés un peu comme ça, mais on ne s'y était pas arrêté. Et cette fois-ci, voulant vraiment faire ce film sur la marche et voulant vraiment pénétrer un pays, leur réalité nous a pété à la gueule, à tel point qu'on s'est retrouvés pris en otage, voilà, précisément. Ce que j'avais envie de dire au niveau de plutôt d'avoir côtoyé cette espèce de je vois pas d'autre mot que de tragédie, c'est sûr que en fait tu découvres que le nationalisme, leur militarisme, leur volonté d'avoir un État, une police et tout, mais tout ça n'est pas eux. Je veux dire, ça vient pas d'eux. Et en fait, on ne voit rien qui ferait le mariage entre nous, notre vision d'un modèle étatique et économique, avec nos valeurs et tout. En fait, nos valeurs recouvrent progressivement les leurs. Et il n'y a aucune dynamique réelle entre les deux, à part, bien sûr, dans la vie quotidienne des papous, qui, s'adaptant à ça, ont quand même encore des références à leurs racines et tout. Mais quelque part, ils ont bien conscience de perdre quelque chose de terrible, et pas de gagner. Et peut-être que les termes perdre et gagner sont très très mauvais pour exprimer ce qui peut se passer, mais je veux dire, j'aurais plutôt tendance à dire que quand on les côtoie, on se rend compte qu'ils vivent une réelle amputation de ce qu'ils sont, et non pas une amplification ou une exaltation. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de ma captivité que je n'ai pas déjà dit, et que, en plus, aujourd'hui, avec le temps qui a passé, c'est plus tellement ça qui est important. C'est une expérience, c'est très très particulier. Ouais. Et ça demande beaucoup de travail pour la restituer et lui donner sens. Donc c'est pas encore terminé, c'est pas encore fait. Et donc il y a tous les pièges de savoir est-ce que vous soutenez la cause papou. Je la soutiens pas vraiment, mais en tout cas je ne suis pas contre. Et je veux dire, ces gens-là ont une vitalité que nous avons perdue. Ils ont une façon de créer leur monde qui n'a rien à voir avec la nôtre, où plus personne n'a un quelconque pouvoir créateur justement de son monde à lui. Tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été enregistré, monsieur disait telle personne a un ego en béton, qui entretient la brosse à reluire. Mais moi, je crois que c'est un vrai travail, que si on faisait tous un travail sur notre ego et qu'on arrêtait de se considérer comme des espèces de succès d'années, de merde, de victimes, c'est exactement ça, ben, bien les choses changeraient. Ayons des égaux, quoi. Ayons même des égaux plus grands que nous, et gonflons-les, peut-être qu'ils éclateront comme des baudruches le jour où ce ne sera plus nécessaire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est au moins une attitude qui... Oui, ayons la vitalité de nos corps, de nos pensées, de tout ça. C'est, par exemple, en parlant des papous, il suffit de regarder leur corps, quoi. Et je veux dire, tu regardes les corps des gens ici, c'est terrible, quoi. Quand tu vois ce qu'on mange, enfin, on parle de ce qu'on mange, on parle de comment on dort, de ce qu'on mange et de comment on se déplace. Et avec ces trois points-là, et je parle même pas de comment on fait l'amour, de comment on a de la tendresse, de comment on rencontre les gens, de tout ça, on peut même mettre de côté. Simplement, ce qu'on mange, où on dort et comment on dort et comment on se déplace, eh ben, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est vraiment, c'est nier tout ce qu'on a en nous de possible, de... Ouais. Voilà. Non, mais donc en fait, les papous ne sont jamais que... Et eux, ils soignent fort leur ego, tout. Ben oui, ça, alors là, ça, sans aucun problème. Je veux dire, ils ont un respect et une conscience de ce qu'ils sont que peu de gens ici ont. Et quand je dis un respect, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas le respect de l'autre, c'est vraiment un respect d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont. Et chacun a sa... En plus, c'est pas tous pareil, c'est chacun à sa manière et dans son histoire particulière, et l'histoire, c'est peut-être pas le bon mot non plus. Mais donc, je crois qu'il y a... Voilà, que c'est vraiment incité... Oui, en plus, je crois même pas qu'il y a à donner des conseils ou à dire ci ou là. Mais parfois, il y a des comportements qui sont exemplaires. Le leur, quelque part, l'est. Ça, c'est certain. Qu'à leur contact, des questions essentielles se posent, quoi, où tu te dis, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'autre? Tu vois, toujours regarder l'autre comme presque quelque chose qu'on pourrait objectiver. Donc, c'est face à soi, il y a un autre, et il est comme ça, et on va essayer de le définir et tout. C'est aberrant. Je veux dire, dès que tu vis face à ces gens-là, effectivement, ou bien tu as une attitude de défense et d'observateur, comme si tu étais dans comme si tu avais en face de toi des animaux de laboratoire que tu vas observer et que tu vas essayer de décrire, et donc tu n'as aucune relation avec eux, si ce n'est celle-là, ou bien tu te lances dans une aventure avec eux, et de toute façon, eux changeront comme toi, tu changes, et à ce moment-là, mais il n'y a plus l'autre. Je veux dire, le réel enjeu, c'est d'inventer un territoire qui va devenir un territoire commun et momentané du temps de la rencontre. Et qui va peut-être se poursuivre dans le souvenir et la mémoire. Mais l'autre, c'est cette espèce de vision, oui, judéo-chrétienne, tout ce qu'on veut, de l'autre qui est face à soi, et je suis l'autre, ou l'autre est je sais pas quoi. Moi, je trouve ça un paquet de cornichonneries. Non, mais c'est dramatique parce que tout le temps, tu vois, quand monsieur disait, et qu'est-ce que vous faites pour les pauvres? Mais enfin, qu'est-ce qu'on devrait faire pour qui? Faisons d'abord quelque chose pour soi. Je veux dire, si chacun faisait quelque chose pour soi au plein sens, ben de toute façon, il rejoint mais tous les autres. Et c'est impossible, tu n'existes pas sans ta communauté, sans tes racines, sans tes rapports, sans... Donc qu'est-ce que c'est que cette aberration de s'imaginer comme un individu tout seul, comme toutes les cornichonneries quand on voit l'apparition de l'homme, comme si l'homme, un individu pouvait surgir. On nous raconte, par exemple, l'histoire presque de l'hominisation ou de l'homme. Quand tu regardes, on voit ce petit dessin, on voit une espèce de singe vers l'homme, comme s'il était tout seul. C'est aberrant. Si tu réfléchis bien, c'est aberrant. Est-ce que tu as déjà rencontré un lapin, un mouton qui était tout seul? Non. Ou bien il est complètement perdu, et en fait, en règle générale, mais il n'est pas tout seul, quoi. À part, il y a eu une catastrophe qui l'a vraiment exclu, sinon il ne vit pas tout seul. Ça n'existe pas, un mouton. C'est du délire. Et nous, on voit le monde en ces termes-là. Et alors, ça devient négatif, parce que quand on dit ego, c'est qu'on voit un homme tout seul, comme si ça existait tout seul, comme s'il n'avait que ses intérêts à lui. Or, en fait, même les ennemis qu'on peut se voir, c'est parce qu'ils défendent des intérêts qu'ils n'ont pas seulement à eux, enfin, à lui, c'est à eux. C'est des groupes, et c'est des groupes qui veulent gérer d'autres groupes et qui prétendent avoir le pouvoir sur d'autres groupes et... Oui, enfin bon, bref, c'est peut-être un peu de nouveau dévié. Non, pas du tout. Mais oui, voilà. C'est marrant. Mais moi, oui. Et c'est pour ça que parfois, quand... Enfin, je sais pas si c'est tellement marrant, parce que je trouve pas ça tellement drôle. Oui. J'ai la dette. Non, mais... Et quand tu demandais, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, il n'y a pas tellement à valoriser le faire, il y a simplement à dire que l'on peut faire. et que l'on peut se trouver des complices partout et que quand les... Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai dit que je partais marcher, que je partais en voyage, pas du tout pour rencontrer les autochtones, que ça m'intéressait pas du tout. Donc, je partais pas rencontrer des papous, par exemple, tu vois. Ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens qui, eux-mêmes, se mettaient en mouvement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer les gens qui étaient quelque part sur le chemin. Mm-hmm. Mais que ce soit alors des gens du coin ou d'autres, c'est des gens du chemin, quoi. C'est cette communauté de gens qui se déplaçaient. Et bon, c'est sûr que ça avait quelque chose de choquant et de volontairement un peu agressif en disant « ça m'intéresse pas moi, j'ai pas envie de partager tout ça ». Mais je veux dire que sinon, ben, la dimension du voyage, ça veut dire quoi? Si c'est pour aller voir l'autre, encore une fois, je veux dire, eh ben, il suffit de regarder la démarche du tourisme, ou bien c'est pour trouver d'autres lieux et on les aménage exactement en fonction de nos critères à nous, ou bien on regarde l'autre effectivement comme une espèce de chose fascinante. Et où l'aventure, ça va être quoi? Ça va devenir l'autre, avec cette espèce de parodie de soudainement pendant un tout petit peu de temps, j'ai partagé leur vie qui est souvent, j'ai partagé leur misère, même si ça peut avoir des moments émotionnels vraiment forts. Mais je veux dire, tant que ne se crée pas quelque chose de, qui dépasse ça, et je ne suis pas certain que c'est dans le partage du sédentaire, c'est dans le partage de misères respectives. Surtout qu'en plus, bon, ben, quand nous on part pas avec notre misère. En règle générale, on part avec une certaine aisance, même si elle n'est pas financière. Je veux dire, il y a la sécurité du retour, la sécurité du fait que... Donc je veux dire, moi c'est sûr que je vis dans un certain confort dans mes voyages. Même si je suis parti une fois en stop en Mongolie, on avait un budget de 3 dollars par jour. Et quoi, c'est son... Ça faisait à l'époque quelque chose, ça tournait autour de 120 francs. Et puis on est parti au Soudan avec un budget d'un dollar. Là, le dollar était à 40 francs. Mais ça, c'est un peu comme... c'est un jeu, quoi. On veut échapper à l'argent et on décide de jouer. Mais effectivement, ça crée des tas de... Ça te met en tout cas dans un champ expérimental de découverte assez fort... Mais bon, ça c'est autorisé aussi parce que moi j'ai cette sécurité matérielle ici. Et je vais pas m'en cacher. Je veux dire, donc c'est sûr qu'on est dans des contradictions et que toute une partie des discours qui se veulent soit éthiques, soit idéologiques sont toujours empreints de toutes ces contradictions. Mais je crois que tant que l'attention est là à ne pas, ouais, je vois pas d'autre mot que marcher au pas, quoi. Qu'on retrouve les chemins de l'école buissonnière, qu'on retrouve les hasards d'aller où on a envie sans que quelqu'un te dise non, là il y a une flèche, tu dois tourner à gauche. Donc abandonnons nos voitures. Je veux dire, dès qu'on est dans une voiture, on doit suivre les feux rouges, les flèches, les sens giratoires, tout ça. Même à pied. Ville. Voilà, donc abandonnons les villes. Et je veux dire, il y avait une histoire, peut-être que ça peut être la conclusion, et qui était à la base d'ailleurs du film que je voulais faire sur la marche. Sur une île en Indonésie, à Sumba, j'ai rencontré un vieux monsieur qui était une espèce de, appelons-le sage, tribal et tout, qui vivait tout nu. Et puis j'ai passé quelques temps avec lui, on a d'ailleurs marché d'abondance. Et il racontait que les femmes de Sumba, quand elles voient leurs enfants aujourd'hui, se préparaient à partir vers la ville. Parce qu'il y a quelques villes. En fait, c'est une île très particulière. D'un côté, il y a encore une vie assez tribale, et presque sauvage dirons-nous, et en décalque de ça, il y a une structure complètement moderne, et ça coexiste encore aujourd'hui. Donc tu as des villages où des gens vivent tout nus, et à côté, à 300 mètres, il y a une route avec des bus qui passent. Et c'est bon. Et donc ce monsieur m'avait raconté donc, que ces femmes disent, voilà, si tu vas à la ville, un jour c'est sûr, ça va être trop, tu auras envie de rentrer. Mais tu auras perdu tout le chemin, tu ne sauras plus. Et donc ce que tu feras, c'est que tu vas marcher, et tu vas d'abord marcher le long de la rue principale. Et puis quand il y aura une rue plus petite, tu prendras la rue plus petite et tu vas sortir de la ville. Et puis tu vas marcher le long de la route où il y a les camions, les bus, et comme c'est pas très agréable, quand il y aura un chemin plus petit, tu le prendras. Et tu vas marcher le long des troupeaux, le long des charrettes, et puis quand il y aura un autre chemin un peu plus petit, et là tu vas retrouver les villages, et tu vas retrouver les champs, et puis quand se proposeront les centres ou les sentiers, et tu choisiras ça, parce que c'est toujours plus agréable de marcher le long des sentiers que le long de chemins où il y a plein, et ainsi de suite. Et à un moment donné, tu feras ton chemin. Tu vas d'abord retrouver les pistes animales, et puis tu feras toi-même ton chemin, parce qu'il n'y aura plus de chemin. Et à ce moment-là, tu auras retrouvé ta tribu, ton lieu, ton origine, tu feras la maison. Et je trouve que ce serait pas mal que ça nous arrive. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, moi, j'aimerais bien... Moi, quand je marche, je tente à ça, quoi. À retrouver un lieu où je me sente... Et t'arrives à te perdre complètement. Ben, la preuve, c'est que quand je me perds complètement, je suis pris par des papous. Ouais. Ben voilà, non, mais non, c'est... Ouais. Je veux dire, ben c'est vrai, là, on est... C'est vraiment la perte. Pas la perte complète, mais je veux dire, au moment où on a été vraiment perdu, ben là, on a été trouvé, quoi. Ça, c'est sûr. Bon. Ben oui, il y a moyen de se perdre complètement. Mais je crois qu'on se perd, que c'est pas géographique. Je crois que c'est déjà plus topographique que géographique. Et c'est surtout sortir d'un temps qui serait comme un temps historique. C'est qu'à un moment donné, les jours et la chronologie des jours n'a plus beaucoup d'importance. Et la destination, donc l'organisation du chemin, n'en a plus non plus. Il y a vraiment le plaisir d'être là, au temps présent. Comme si on était sorti de ce temps de l'histoire et de cette espèce d'espace qui est géographique. Ça, c'est... Je souhaite à tout le monde connaître ça, c'est extraordinaire. Ok. Voilà, merci beaucoup. Ben de rien, de rien. Non. Voilà, vous venez d'écouter le monsieur du magasin L'Imaginaire sur la place du jeu de balle, dus op het Vossenplein zelf. Je ziet de winkel L'Imaginaire en in die winkel vindt u de meneer die aan het woord was. Nu je goed wakker bent, heb ik ook nog een andere opname voor u. En ik ga ze zo snel mogelijk lanceren, want op het einde gebeuren er allemaal interessante dingen. À la fin de la conversation que je vais vous faire écouter maintenant, il y a des choses très très intéressantes.